La princesse de Clèves. Livre audio gratuit, un roman de Marie-Madeleine de Lafayette. Lecture par Amina Grobis pour le compte de audiocité.net. Sous licence creative.commons.